président Bandakani, nous vous retrouvons. Et avec notamment cette lecture faite par vos deux prédécesseurs tout à l'heure, avec André Kisefango, on a essayé d'apprécier notamment la situation, on va dire le microscope politique dans ces différents pays de la CEMAC, d'autres bagarres pour les questions de succession, d'autres une question de légitimité, bref, ça va dans tous les sens. Est-ce que finalement ce contexte-là ne justifie pas cette dynamique qui est visible aujourd'hui au sein de la CEMAC où chacun voudrait, passez-moi le mot, défendre sa chapelle? Mais c'est un fait. Le Bertrand Tassinda, en convoquant ces divisions par rapport au dossier centrafricain qui caractérise la CEMAC, c'est un fait. Il y a deux pays là qui de par leur histoire et de par la situation des dirigeants de ces deux pays dans leur rapport historique à la France, tout indique que ce pays-là ne joue pas franc jeu sur la question centrafricaine. Laquelle? D'ailleurs, moi, je vous ai parlé, mais le Congo-Brazza et le Gabon. C'est les deux pays dont on parle bientôt. Et ça s'est vu lors de la transmission du passage de témoin au président Touadéra à la CEMAC. Ces pays-là, d'ailleurs, ces pays-là n'étaient pas d'accord parce qu'ils savaient que en lui donnant la CEMAC, on lui donnait de la légitimité de la force. Et ça se voit depuis qu'il est venu pendant la CEMAC, ça se voit. Non, ce sont des contradictions internes à la CEMAC, mais que jusqu'à présent, on réussit à gérer. On réussit à gérer, grâce à Dieu, et au fait que, bon, ces deux pays-là, malheureusement, ne sont pas des leaders de la CEMAC. C'est le Cameroun qui est le leader, le pays leader de la CEMAC. Donc, pour dire que tout ce qu'on peut retenir de ça, il faut penser africain. Il faut travailler à penser africain. Il y a des crises sur le continent qu'il ne faut pas faire le croire que c'est un pays, que ça concerne un pays. Que le pays qui est en crise, ça le concerne. Non, c'est pas vrai. Il faut penser africain. Il faut penser le problème d'un point de vue africain. Je ne dis pas un point de vue folklorique, c'est-à-dire que c'est le plan géopolitique, analysé et opposé à ce que c'est en face de nous, une lecture géopolitique, ce qui dit à partir d'un point de vue africain. Parce que nous avons été agressés, divisés, colonisés, c'est-à-dire que c'est en tant qu'Africain, c'est l'Afrique qu'on veut conquérir. Jusqu'à présent, c'est ça qui est l'enjeu. Donc, tout ça est dynamique parce que le problème, c'est que j'ai déjà eu à se lever ça ici plusieurs fois. Il y a toute une banque, c'est-à-dire que c'est des armées informelles circulent dans ces endroits-là, dans toute l'Afrique, la route du Tchad jusqu'au Soudan, en passant par l'Ouganda. Vous arrivez en RDC, c'est grave, toutes ces frontières-là. Ce sont des armées informelles qui circulent. Mais des armées informelles dans des espaces où il y a les armées légales, il y a les armées formelles, Mais comment ça se passe? Qui arme ces armées? Qui les protège? Comment font-ils pour disparaître et réapparaître? Tous ces questions, ce sont des questions fondamentales. On sait très bien qui est derrière tout ça. On sait très bien. Ces gens ont l'air de créer des nomades blancs à chaque fois. En Libye, c'est un pays stable qui stabilisait le Sahel. Qui ne le sait pas? En ayant une véritable digue. Tout à fait, en ayant une espèce de maîtrise sur justement les gens de les Touaregs. Mais est-ce le hasard qu'on attaquait la Libye? Ce matin, encore dans mes travaux, je redécouvrais ce que j'ai eu aussi à dire ici depuis longtemps. Comment les Américains avaient dit ce pays a détruit dans une union de sécurité nationale. Wesley Claes, qui est général des mandats. Vous voulez détruire le pays là, pourquoi? On dit que non. La sécurité de l'État américain existe. Il dit, c'est quelle urgence? Ils ont fait quoi? On dit que c'est comme ça. Il a démissionné. Alors, allez voir ce pays là. Tout tombe pratiquement détruit. Tout. L'Irak, la Libye, le Soudan, le Yémen. C'est-à-dire, tous ces pays là sont. Vous pouvez voir les gens, de manière minutieuse, mettre leur agenda à jour. Ils mettent ça à jour. Et pour le faire, quoi, qu'on fait quoi? On lève des armées informelles. On va les armer. on va les protéger. Il y a des techniques très élevées, il y a des techniques très éprouvées pour les protéger. Regardez le Mali. Il est interdit au Mali de toucher un terroriste. Alors, vous le touchez, on dit que non, c'est un civil. Oui, non, c'est un civil. Vous n'avez pas la preuve que c'est un terroriste. Alors, ils vont se cacher parmi les, certaines populations. Non. Vous pouvez bombarder les civils. Voilà. Pourtant, on a mis un terroriste, hein. Exprès. Ils sont là. Donc, ces gens sont des bandes armées, marchent dans le monde, sont là, on les connaît. Quand on décide de détruire la Libye, mais on sait ce qu'on fait. On sait ce qu'on fait. Après, on transfère des gens, des armées informées qu'on a montées en Syrie. Ils viennent là. Après, on fait une jonction avec la Zawad. À qui on fait les promesses? Ça, c'est la France. On fait les promesses et tout. Le Sahel est à feu et à sang. Après, vous faites un discours, un récit, non, c'est le trafic de cigarettes. Ils vendent de la drogue pour acheter les armes. Et que non, vraiment, les États ne sont pas en mesure de sécuriser tout leur territoire. Les États faillis. C'est là, on a sorti la théorie des États faillis. Pour dire que non, ils ne sont pas en mesure de sauvegarder l'étendue du territoire. D'ailleurs, comme c'est même trop grand comme ça, il faut me diviser le territoire là. Parce que les États sont inexistants. Alors, voilà ce qui explique le terrorisme. Et du matin, midi, soir, on vous bassine ça et tout. Les mêmes gens qui créent les armées informelles interdisent la Wagner de venir. Vous savez pourquoi? Parce que Wagner est supérieur en termes de puissance militaire, en termes de capacité militaire, à leurs armées informelles. Parce qu'une fois qu'il y a une structure comme Wagner, mais leurs armées informelles ne peuvent plus rien faire. Et regardez au Centrafrique, sans la coopération russe, est-ce qu'il y aurait le pouvoir, peut-être qu'on aurait tenu combien de jours? Mais donc, oui, que Wagner, ils sont fous. Pourquoi tout Wagner, le monde entier, il faut arrêter Wagner. Pourquoi? La raison est simple. Avec Wagner, leurs armées informelles qu'ils ont créées, qu'ils avaient sur les États, sont neutralisées. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut lors de notre dernier congrès, ceux qui étaient là, parmi les résolutions qui avaient été prises, nous avons dit il faut protéger, veiller, faire une veille stratégique, c'est ce que nous appelons les épicentres du panafricanisme, les états épicentres. Le Mali, Burkina Faso, le Centrafrique, le Tchad même, le Tchad, parce que les gens ont pris, le Cameroun, l'Éthiopie. Faut suivre tous ces pays-là. Et quand vous les suivez, vous voyez que ils ont tous un truc commun. Les armées normales font face à des armées informelles montées de toutes pièces par les pays occidentaux. Vous allez à l'Éthiopie, ils font face à qui? Les rebelles tigriens. Ça vous dit rien? Qui est derrière? Washington. Et vous allez voir la base arrière des tigriens, c'est quoi? Soudan. Ça vous dit rien? Soudan. Alors, quand ça chauffe au Soudan, les rebelles ont tendance à se fondre où? Aux frontières Centrafrique, Tchad. Si ces frontières ne sont pas sécurisées, allez. C'est un continuum. Vous voyez comment tout ça est lié. Tout ça est lié. Donc, il nous faut une grande pensée géopolitique africaine. Elle est là. Mais il faut une grande pensée stratégique pour en finir avec les armées informelles en Afrique. L'enjeu, il est là. Tant qu'on n'inverse pas la dynamique de la géopolitique du chaos qui détruit le continent africain en général et l'Afrique subsaharienne en particulier, on ne s'en sortira pas. Pour attaquer ça, il nous faut une vraie organisation africaine. L'Union africaine n'en est pas une. Il faut oublier ça. La preuve, regardez le Soudan. Sinon, elle est capable d'intervenir, elle ne peut rien faire. On dit cesser le feu. Le Dieu d'enfant, c'est le feu. Vous savez pourquoi il y a eu cesser le feu au Soudan? Vous savez pourquoi il y a eu cesser le feu? Pour préserver les intérêts des. Non, il a compris. Les Américains ont demandé ça. Les deux camps ont accepté que vous le sortissez. Vous vous rendez compte? C'est un bateau américain qui a évacué tous les résultats occidentaux. Ils ont pris les Anglais. Tout le monde, les Français et tout. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il y a que les animaux africains, tuez-vous. Oui, là maintenant il n'y a plus de cesser le feu. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, avant les Africains, pourquoi les deux protagonistes acceptent ça? Voilà. Ça veut dire qu'ils obéissent clairement à un seul unique. Oui. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que des choses sont là. C'est pas de ça. Donc, vous voyez que. Oh, je vous le dis, la crise au Soudan, qu'est-ce qui se passe là? L'Union africaine n'a rien à dire. Elle n'a même pas vu qu'on interroge dessus. Elle veut même pas qu'on interroge. C'est-à-dire, elle fait comme s'il n'y a rien. Et puis, elle prie que les Africains ne l'embêtent pas pour ça. Non, il nous faut une vraie organisation africaine qui prend en charge la question de cette géopolitique de chaos qui allume le feu à l'Afrique. On les connaît. Tout le monde sait que ce sont les Occidentaux. Mais on les appelle partenaires. Dis-moi pourquoi on est obligé d'appeler partenaires. Et les gens sont coincés. C'est un partenaire. Et comment tu vas même t'appeler un partenaire terroriste? Parler du terrorisme. Ce sont des partenaires. Il faut une vraie organisation. Il faut un discours. Il faut imposer le récit de la vérité. Qu'à chaque fois qu'on peut dévoiler aux yeux de l'opinion publique africaine, que voilà les ressorts de cette affaire. Voilà ce qui sont derrière. Derrière. Et soutenir ces différents États. Comment on est en train de faire? Je pense que le travail qu'on fait, un travail comme celui-ci, je pense que vous le voulez ou pas, d'abord, une fois que les plans sont dehors, c'est mort à moitié, pratiquement à moitié, c'est déjà foutu. Et de deux, ça interpelle les dirigeants. Le dirigeant de la transition au Tchad, il est bien conscient que les Africains ont l'œil sur ce dossier. Vous comprenez? Dans l'œil sur ce dossier. Et moi, je suis très heureux de voir que les relations sont très bonnes avec le Centrafrique, comme le demande le franc communiqué, l'action qu'il y a eu en solidarité cette action de solidarité qu'il y a eu pour l'évacuation des ressortissants centrafricains et tchadiens, où le Tchad a évacué ses frères centrafricains. Mais écoutez, une évacuation commune peut cacher beaucoup de choses. D'accord. Voilà, ça peut cacher beaucoup de choses. Merci. Souhaitons que, n'est-ce pas, entre les deux pays, que les deux pays s'entendent avec la sous-région pour neutraliser, n'est-ce pas, ces hordes militaires encadrées par la France. Parce que quand on parle de voitures qui circulent, vous avez les images, non? Tout à fait. Ces voitures sont des militaires français qui sont en train de circuler. La frontière entre Agoré principalement. Voilà. Ils sont tout doux, ces véhicules sont tout doux et vont où? Ben, on a vu, on voit. Sans aucune précision et communication d'ailleurs de l'État tchadien, ce qui laisse croire que c'est bien entendu une action délibérée de la France. Pour ça, Jean-Paul. C'est clair, c'est clair. Afrique Média, le monde, c'est nous.